Et voilà, et voilà. Me voici, pense à toi, accoudé au banc vert, à lire ces mots de toi, ces mots qui rendent fiers de ces gens importants.